La conversation scientifique par Étienne Klein. Nous sommes en public au Théâtre de la Ville à Paris, en compagnie du camarade Léon Bonafé, que je salue et que je suis chaque fois heureux de retrouver en notre compagnie. Léon ponctuera notre conversation scientifique d'intervention poétique impromptue, décalée, à contre-temps, exactement comme il voudra. Combat, c'est le nom donné à ce cycle de 10 week-ends d'émissions de France Culture, de débats et de lectures ici au Théâtre de la Ville, que je remercie au passage, autour de grands thèmes d'actualité. C'est évidemment un nom qui a été choisi en hommage à Albert Camus, qui sera la figure tutélaire de ce cycle. Notre question du jour est celle-ci, où est le passé ? Il est en effet des questions relatives au temps auxquelles nul d'entre nous, qu'il soit philosophe, scientifique, ni l'un ni l'autre, les deux à la fois, ne sait répondre, car cela exigerait des connaissances que personne ne possède. Ce sont des questions qui conduisent notre pensée au bord de l'abîme, par exemple celle-ci. Où va le présent quand il devient passé ? Et où se trouve le passé lorsque plus rien ne le manifeste ? En interrogeant le temps ainsi, en usant de termes relatifs à l'espace, ces questions déclenchent en notre esprit un gigantesque embarras. On n'y répond d'ailleurs que de façon évasive, bancale, en accordant au passé une ontologie vacillante, à mi-chemin entre réalité et irréalité. Prenons l'exemple d'une chaise qui a été détruite. Devons-nous considérer qu'elle existe encore quelque part, sous la forme d'une chaise passée qui a existé, ou bien devons-nous considérer qu'elle n'existe plus du tout nulle part ? La question se discute, et c'est là tout le problème. D'un côté, on peut soutenir que le passé est privé de tout lieu d'existence, au motif qu'il est incapable de se frayer une voie vers une présence observable. Le passé est alors irréel, car déconnecté du présent, conçu comme le seul lieu de la réalité. Le passé, par essence dépassé, trépassé, n'existe plus, donc n'existe pas. Dans ce cas, en disparaissant du présent, notre chaise détruite a été néantisée. Mais d'un autre côté, on peut tout aussi bien considérer le passé comme une sorte de réalité éminente, au motif que sa condition de passé le met à l'abri de toute altération ultérieure. Il est l'équivalent d'une forteresse imprenable. Si un événement s'est réellement passé, il demeurera toujours vrai qu'il a eu lieu, même si aucune mémoire ne l'a emmagasiné, même s'il n'a laissé aucune trace. Ainsi, le mal de tête que j'avais hier a beau avoir cessé aujourd'hui, il existe encore en tant qu'événement passé, même s'il n'est plus douloureux. En ce sens, une douleur passée peut continuer d'exister sans plus faire mal. Selon cette conception, la chaise détruite continue d'exister et existera toujours au motif qu'elle est passée par la case présent. Ainsi, en jouant avec le langage et la logique, on parvient à dire du passé à la fois qu'il s'est littéralement néantisé et qu'il est définitivement immortel. Bref, c'est pas clair. Est-ce que l'on pourrait mettre un peu d'ordre dans cette affaire ? Pour le savoir, j'ai invité quelqu'un qui s'y connaît en matière de passé, il a lu tout Proust, et en plus, il parle clair. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Étienne, bonjour à tous. Vous êtes professeur de philosophie. Oui. Et comme cette émission, comme d'autres qui vont suivre, est placée sous la figure tutélaire de Camus, je l'ai dit, je voulais savoir ce qu'a représenté pour vous, philosophe, la figure et l'œuvre de Camus. On a combien d'heures pour en parler là ? Parce que c'est... On a moins d'une heure. Alors, donnez-moi quelques minutes pour Camus. Juste, d'abord, Camus, c'est pour moi, c'est le meilleur ami de celui qui ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire, c'est le meilleur ami de celui qui se lève le matin sans savoir pourquoi il se lève. Camus est celui qui donne à celui-là l'énergie de se lever, en lui montrant que le problème n'est pas l'horizon ou le but qu'il se donne, mais plutôt l'énergie même qui le porte à se lever. Donc, c'est un ami du présent. Une belle anagramme, c'est la présence qui donne l'espérance. Eh bien, c'est une anagramme assez camusienne, d'une certaine manière, au sens où il ne s'agirait pas de remplacer le présent par l'espoir, mais au contraire, de vivre chaque instant comme un espoir, justement, ou comme une espérance. Et puis, c'est celui qui vous apprend que la seule vraie défaite dans la vie n'est pas d'être vaincu, ce qui peut arriver, naturellement, on a tous plus fort que soi, c'est de baisser les bras en amont du combat. Et de ce point de vue, je ne connais personne qui soit plus adapté au temps que nous vivons. C'est-à-dire que la seule défaite est de baisser les bras. La seule défaite est de ne pas se battre. Celui qui se bat ne peut pas être vaincu à ce titre, parce qu'il a vaincu en lui la peur de se battre. Et là, il y a quelque chose, je crois, chez Camus qui est essentiel. Et le dernier point, je dirais, c'est que le paradoxe de la démocratie où nous sommes, enfin de la démocratie, c'est que c'est un régime qui ne promet que lui-même, en somme. Nous ne pouvons pas espérer changer de régime, hein, au-delà de la démocratie. On veut approfondir la démocratie, amender la démocratie, améliorer la démocratie, mais ça reste notre horizon. Et donc, il nous faut, nous, démocrates ou enfants de la démocratie, apprendre à vivre dans un système dont l'horizon est lui-même. Et pour ça, il faut un penseur qui nous apprend à remplacer le but, c'est-à-dire le sommet de la montagne à atteindre, par la démarche elle-même, c'est-à-dire le fait de pousser son caillou. Il faut un penseur sisyphéen pour un temps qui n'a pas d'autre horizon que lui-même. Donc Camus à tous égards, oui. Bon, j'ai l'impression que vous êtes un combattant, vous-même. J'ai une D'ailleurs, tendresse pour Camus, en tout cas. Vous écrivez dans votre dernier livre, les tyrans ne gouvernent que si on les laisse faire. Ouais, ça c'est plutôt la Boétie, mais effectivement, Camus aurait pu reprendre ça à son compte. Les tyrans ne gouvernent que si on les laisse faire. C'est-à-dire que, c'est l'idée chère à la Boétie qu'il n'y a pas de tyran sans esclave, si vous voulez. Or, c'est une idée que, dans le livre, le narrateur découvre à l'âge de 12 ans quand soudain il décide de dire merde à son beau-père. Mais le fait est que c'est un apprentissage qu'on peut faire à l'échelle individuelle et qu'on peut faire à l'échelle d'une société. J'avais une autre question, Raphaël. On vient de parler de Camus qui est mort en 1960. Deux ans plus tard, mourait Gaston Bachelard. Et il se trouve qu'on peut, en allant sur le site de France Culture... Pas de la même manière. Non, bien sûr. Il est mort le 16 octobre 1962, Bachelard. Et on peut écouter sur le site de France Culture une causerie qu'il a donnée en 1949 sur la radio. Et vous-même avez fait de la radio. Peut-être vous continuez d'en faire. En tout cas, aujourd'hui, vous en faites. Et on trouve dans cette causerie cette phrase de Bachelard. La radio, vous savez. Cette phrase de Bachelard... La vie réelle se porte mieux si on lui donne ses justes vacances d'irréalité. C'est lui qui dit ça ? Oui, c'est lui qui dit ça. Ah, c'est bien. Bah, c'est conforme à la double ambition d'un homme qui est autant poète qu'épistémologue. Et ces vacances d'irréalité, c'est difficile dans la bouche de Bachelard. Je découvre cette phrase en vous écoutant, mais c'est difficile quand on connaît un peu Bachelard de ne pas imaginer que par vacances d'irréalité, il désigne les moments les plus poétiques de son existence. Enfin, ça, tout simplement, sa métaphysique de l'eau ou du feu, enfin, ou sa psychanalyse du feu. Donc, je le verrai de cette manière-là. J'ajoute aussi que chez Bachelard, il y a l'idée que l'opinion et les illusions que charrie l'opinion sont vraiment un obstacle à dépasser quand on est scientifique, mais que c'est un espace auquel le poète et l'intuition doit donner toute sa chance. Et paradoxalement, son système qui ouvre sur deux univers, l'univers poétique et l'univers scientifique, et je crois marche en réalité sur deux jambes et dans la même direction. Mais c'est deux jambes qui appartiennent au même corps, on est d'accord. Il paraît. Alors vous avez publié récemment, Raphaël, un roman, je crois qu'il faut l'appeler comme ça, qui s'appelle Le Temps gagné. Et vous mettez en exergue de cet ouvrage cette phrase, cette histoire est entièrement imaginée puisque je l'ai vécue d'un bout à l'autre. Oui. Donc c'est une phrase paradoxale qui illustre le paradoxe que j'ai cité en préambule, à savoir que le passé existe, mais il n'existe pas. Du coup, je ne suis pas sûr que vous soyez le bon invité pour répondre à la question posée, où est le passé ? Ce qui est certain, c'est que le passé est dans la mémoire. Moi, j'ai dit cette phrase parce que j'ai conçu un roman sans fiction, si vous voulez. C'est-à-dire que tout est vécu et pourtant, c'est un roman parce qu'on ne peut pas, avec les mots, restituer exactement ce qu'on a vécu. Et dans cet intervalle se loge le romanesque. Quand Vian dit dans l'écume des jours que ceci est vrai, intégralement vrai, parce qu'il l'a imaginé de part en part ou d'un bout à l'autre, que cette histoire est entièrement vraie parce qu'il l'a imaginé d'un bout à l'autre, quand il dit ça, il dit exactement l'inverse. C'est-à-dire il dit qu'on ne peut pas faire de l'imagination autrement qu'avec des bribes de réel. On ne peut pas imaginer quelque chose dont on ne se souvient pas. Eh bien, moi j'ai tendance à penser qu'on ne peut pas in fine éviter de basculer dans la fiction, même quand on copie ses souvenirs. Mais vous dites le passé dans la mémoire, mais est-ce qu'il mais alors, a, voilà. Il peut pas être ailleurs que dans la mémoire ? Est-ce qu'il peut pas être... Je peux vous répondre par l'expérience de l'écrivain, c'est-à-dire que la particularité de la mémoire mise en œuvre pour écrire ce livre-là, c'est que c'est une mémoire qui ne fait pas que se souvenir des choses. Alors je ne sais pas ce que vous pouvez faire de cette information. Il ne s'agit pas simplement de se souvenir de quelque chose à la façon dont on se souvient d'un truc, on regarde une carte postale, on dit ah oui c'était l'année où j'étais là, etc. Non, elle revit, elle ressuscite les choses littéralement. C'est-à-dire que le livre et le compte rendu de moments ressuscités, donc qui, en un sens, n'étaient pas disparus, étaient tout simplement... alors, j'ai envie de dire enfoui. En un sens, oui. Moi, là, j'ai une représentation spatiale de tout ça. C'est-à-dire, je me représente ma mémoire comme un frigidaire avec un stock d'où j'exhume des harengs que je décongèle le temps d'en parler avant de les remettre ensuite dans leur garde-manger. Mais en réalité, l'enjeu, c'est vraiment de maintenir le hareng décongelé, c'est-à-dire de restituer un souvenir en lui donnant la chaleur, la densité, l'intensité d'un instant présent. Mais est-ce que le souvenir est déjà là et une fois qu'il est là, vous avez envie de l'écrire, ou est-ce que c'est le fait d'écrire qui fait surgir des souvenirs? La représentation spontanée, c'est on pense toujours que l'avenir est une armoire au possible, on pense que les souvenirs sont déjà là en attente d'être découverts, on pense que la vérité est déjà là quelque part en attente d'être exhumée, et c'est un peu l'impression qu'on a. On se vit comme un stock dont on aurait ouvert les vannes et dont soudain l'ensemble viendrait se déverser sur la feuille blanche. Ça marche pas comme ça. Un souvenir est non pas créé, mais suscité par le fait même de l'écrire, par les mots qui le portent. Alors évidemment, au départ, il y a un souvenir, et puis les mots qui l'accompagnent, qui décalent le récit, enfin qui introduisent un hiatus entre le récit et le souvenir, façonnent en retour le souvenir. Le père du narrateur dans le livre a cette phrase qui revient comme un mantra, qui est que « nul ne sait ce que le passé lui réserve ». Ce qui est une phrase typiquement proustienne, parce que dans la recherche du temps perdu, Proust dit, le narrateur dit « j'avais sous les yeux quelque chose de beaucoup plus instable que l'avenir, qui me semblait morne et prévisible, j'avais sous les yeux quelque chose d'infiniment instable, c'était le passé d'Albertine ». Albertine est morte, donc évidemment l'avenir on peut le... Hein, mais le passé en revanche est infiniment mobile, muable. Et c'est à cette mutabilité du passé, celle-là, pas celle d'Orwell, celle de Proust, qu'on fait appel quand on raconte sa vie. Oui. Mais est-ce que vous avez une définition du temps, Ravel? Est-ce que le temps c'est une substance? Est-ce que la meilleure définition que je puisse vous donner du temps est une définition qui ne prend pas le mot de temps, mais que vous connaissez comme moi, qui est ce que je suis, je ne le sais pas, ce que je sais, je ne le suis plus. C'est-à-dire que la ligne. Ça, c'est un temps existentiel, c'est un temps. Oui, c'est la ligne. Le temps. Ah, c'est vous qui le dites. La ligne du temps ne nous permet pas de coïncider avec nous. C'est-à-dire que, en somme, j'aurais du mal à définir le temps parce que je suis, vous êtes, nous sommes tous temporels de part en part. Définir le temps serait se prendre soi-même comme objet d'étude. Bergson dit que l'homme, c'est du temps à quatre pattes. J'ai tendance à penser que la tentative de segmenter le temps, de spatialiser le temps, de se le représenter sous la forme d'une ligne, est une tentative délétère, nécessaire à la vie quotidienne, nécessaire à l'organisation de nos existences, mais par ailleurs propice à l'oubli de ce qui fait le temps, c'est-à-dire l'indécomposable qualité du temps qui fait qu'on ne peut à aucun moment le séparer en instant discret, en instant différentiel. J'appelle temporalité cette façon que nous avons de vivre, même parfois sans le savoir. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu du temps avant nous. Oui. Et donc, si le temps dépend de nous pour exister, comment comprendre qu'il a pu passer avant qu'on apparaisse? Non, j'ai pas dit que le temps dépendait de nous pour exister. Je pense que nous sommes temporels de part en part, que le monde ne nous a pas attendus pour exister, et que le monde se moque énormément qu'on disparaisse aujourd'hui, demain ou après-demain. Donc ça veut dire que le temps pourrait passer sans nous? Ça veut dire, qu'il a passé sans nous? Oui, et qu'il pourrait... bien sûr, mais le temps est inséparable, ou ce qu'on appelle le temps est inséparable. Dans un essai de définition, ce qu'on appelle le temps est inséparable de la conscience que nous en avons. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les millions d'années qui nous séparent d'un tyrannosaure nous semblent en un sens moins lointaines que les quelques siècles qui nous séparent d'un incunable qu'on aurait dans les mains ou qu'on aurait sous les yeux. Si je vous dis, Raphaël Antoven, que les fantômes du passé sont de souples fantasmes, ça vous inspire quoi? Je vois que vous hésitez. Non, parce qu'il y a beaucoup de fantômes dans le livre que j'ai commis. Mais le fantôme, c'est pas du tout un fantasme, c'est une stratégie. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un enfant qui devient fantomatique pour échapper aux coups qu'il reçoit, ou qui s'arrange pour penser qu'il les mérite, quand il peut pas les éviter, soit de se rendre suffisamment fantomatique ou translucide en somme pour ne plus les sentir, un peu comme un karatéka émérite, si vous voulez. Et donc j'ai du mal à penser le fantôme comme un fantasme, parce que la condition fantomatique, c'est celle du narrateur, qui est un privilège. Parce que du coup, il voit sans être vu. Il reconnaît sans être reconnu. Il n'interpose pas entre lui et le monde le spectacle de ses préjugés, de son lui-même, de son gros moi vaniteux, etc., etc. Tout ce qui, pour le coup, serait tout à fait fantomatique. En fait, je vous ai posé la question parce que les fantômes du passé C'est l'anagramme de souple fantasme. Oh, génial. Elle a été trouvée par Olivier Garcia. Olivier Garcia qui est très bon. Il est très fort. Il est très fort. Il est très fort. Dans ce livre, vous posez une drôle de question à propos de votre grand-père. La question est celle-ci. Combien faut-il avoir de temps à perdre pour consacrer autant de temps à se soucier d'en gagner? C'est un peu compliqué. Ça m'a semblé être la contrepartie temporelle de la remarque spatiale de Pierre Dac qui disait « plus je pédale moins vite et moins j'avance davantage ». C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose puisque cette réflexion me vient en invoquant le souvenir, par ailleurs un souvenir béni bien sûr, de mon grand-père qui se présente à la piscine de la petite maison de campagne où nous nous trouvons le dimanche matin à 11h en grand appareil, en costume, prêt à monter dans la BX. Et je dis, mais pourquoi tu pars si tôt, papy? Pourquoi? Et il me répond, mais parce que je veux éviter la circulation. J'ai toujours entendu cette phrase, éviter la circulation. Et bon, il fallait éviter la circulation, je peux comprendre, mais le truc, c'est que partir à 11h était une prudence excessive. Et donc, il me semblait que les quelques minutes de trajet qu'il allait gagner en évitant la circulation étaient peu de choses à côté des heures de soleil, de plaisir, de piscine dont il se privait dans ce but. Donc c'est la raison pour laquelle il m'a semblé qu'il fallait avoir beaucoup de temps avec soi, pour soi, pour se soucier d'en gagner en toutes circonstances. Vous avez, Raphaël Antoine, travaillé sur Leibniz, je crois. Sur Leibniz, oui. L'idée que le monde est le meilleur des mondes possibles, oui. Ce qui suppose qu'on puisse comparer le monde à d'autres mondes, oui. Ce qui suppose qu'on puisse invoquer des mondes parallèles dont vous dites qu'ils sont des enfants du regret. Oui, c'est merveilleux. C'est parce que, en fait, il faut bien comprendre que Leibniz a une conception des choses qui est que Dieu produit le monde, naturellement, donc il conserve à la divinité le geste décisionnaire de produire le monde, ce qui permet de maintenir Dieu en situation de transcendance. Mais en même temps, il dit, oui, mais Dieu est bon, donc il ne peut pas produire un autre monde que le meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire celui qui correspond au calcul du meilleur et celui qui est moralement le plus souhaitable. C'est impossible autrement, puisque Dieu est bon. Et donc, c'est tout le paradoxe d'une liberté absolue qui est pourtant absolument contrainte par sa bonté. Dieu ne peut que produire le meilleur des mondes possibles. Ce qui permet à Leibniz de dire ensuite, notre monde est le meilleur des mondes possibles, et si le mal qui s'y trouve ne s'y trouvait pas, eh bien, le monde dans lequel ce mal-là serait absent serait pire que le nôtre. Leibniz développe le sophisme comme ça. C'est le père, c'est la matrice de tous les sophismes. C'est-à-dire, c'est la matrice de tous les dénis de réalité. Quelqu'un qui, devant un goulag, vous dit, ce monde est le meilleur des mondes possibles, ou bien les lendemains chanteront, est leibnizien, en ce sens. Donc, il est l'ennemi. Mais, il est l'ennemi au sens où il est le prophète des dénis de réalité. Mais, il est le prophète du sentiment que, voilà, pour rendre l'âpreté du monde plus digeste, on va se convaincre qu'en réalité, c'est chouette. Ce qui est une disposition du caractère assez fréquente en réalité, comme souvent les philosophes. Donc Leibniz, c'est celui-là. Mais, c'est ça que je voulais dire. Leibniz, c'est aussi celui qui, du coup, vous présente la réalité comme une sorte de, en amont de la réalité, une sorte de supermarché de monde possible, une sorte de bibliothèque de Borges, bibliothèque infinie. Et à l'intérieur de laquelle Dieu choisit un monde plutôt qu'un autre. Ce qui fait aussi de Leibniz le père de tous les romanciers, c'est-à-dire le père de tous ceux qui ont tenté un jour de donner leur chance à ces mondes introuvables, à ces mondes moins bons, à ces mondes que Dieu n'a pas élus, mais qui... tout le monde, je sais pas, ceux d'entre vous qui connaissent un peu le maître du haut château connaissent l'histoire. Voilà, l'Allemagne et le Japon gagnent la guerre, et donc à New York on est en Allemagne, à San Francisco on est au Japon, et ça se passe dans les années 60. C'est un monde possible. Quiconque a un jour eu le regret d'aller à droite plutôt qu'à gauche, ou d'aller à gauche plutôt qu'à droite, fait le rêve éveillé des mondes possibles. Et donc Leibniz est à la fois celui dont le déni prend la forme du sentiment que Dieu a voulu le meilleur des mondes possibles et que donc on doit se réjouir d'être ici, mais c'est aussi celui qui donne sa chance à tous ceux qui veulent rêver d'un autre monde, comme on dit. Léon Bonnafé, je sens que vous commencez à bouger. Oui, mais je voudrais tenter un exercice un peu périlleux qui consiste à faire avancer le débat en parlant d'un mouvement perpétuel qui permet de rester sur place. Voilà, avec un poème de Jacques Darras, qui est un poète, traducteur, essayiste du Nord, de la France. Le regard toujours bien tourné vers la Belgique, puisqu'ici c'est un poème qui s'appelle « Les Gilles de Binche ». Les Gilles de Binche étant ces personnages du carnaval de Binche, en Belgique, qui tournent et qui dansent sans cesse et sans cesse. Et là, c'est la dernière partie du poème. « Ce n'est pas vrai de dire que nous avançons. Nous n'avançons pas. Ce que nous appelons réalité est folie du retour des choses. Car les choses reviennent sur elles-mêmes, nous revenons avec elles. Nous sommes les revenants de nous-mêmes, comme le jour est fantôme, comme la nuit est fantôme, copie fantomatique de la nuit qui précéda. Mais puisque nous sommes les mêmes que ceux qui précédaient, décédons-nous jamais vraiment, ou cessons-nous seulement de précéder ? De précéder le cortège de ceux qui nous précédèrent, que nous suivions. Nous ne décédons pas, nous cédons la précédence, nous cédons le pas. Nous ne décédons pas, nous tournons dans l'invisibilité de la danse. Nous passons le relais de la folie, la maladie, la contamination du rythme. Décédant, nous précédons autrement, une autrement plus grande danse. Précédant ce qui maintenant précède la danse, nous nous précédâmes. Nul ne précédera, nul ne décédera à la fin, puisque le cercle nous embrasse, que tournant sur nous-mêmes, nous faisons simplement tourner la danse. Nous savons que nous dansons, nous nous déguisons en danseurs lents, nous nous masquons à nous-mêmes par la lenteur, la réalité, notre danse. Nous nous cachons la folie qu'il y a à reprendre, à reproduire les figures, car l'enfance de la danse est toujours celle qui court au-devant de nous. Avec nous derrière, qui courons derrière la figure d'enfance de la danse. Combien de matins depuis le premier jour de la création, récréation ? Combien de millions, de milliards de matins, le même, multiplié par lui-même ? Combien de redoublements, combien de masques de nous-mêmes une fois ? Nous ne décédons pas, nous ne cessons pas de précéder notre précédence. Ce fut nous ancestralement, ce sera nous antérieurement à l'antériorité. Il y a deux sens à notre vie, comme il y a deux façons de tourner à la danse. Il n'y a qu'une seule danse, que nos figures figurent. La danser nous délivrera. La danse nous délivrera du retard, la lenteur que nous avons à nous succéder. La danser nous fera revenir à la précédence de la précédence. Il n'y a jamais l'immobilité contre la danse. Il n'y a jamais l'immobilisation du mouvement par la mort de la danse. Il y a la délivrance de ce qui suit. Il y a la délivrance de la répétition. Il y a retour lui-même, en lui-même, sur lui-même. Merci Léon. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce poème, qui posent notamment la question de l'identité du moi. Oui. Qu'est-ce qui fait que le moi change et pourtant on reste le même? Et Raphaël Antoine, quand vous voyez une photo de vous enfant, par exemple, qu'est-ce qui vous relie à elle? Où est le moi commun entre ce passé et ce présent dans lequel vous êtes? C'est mon aïeul, c'est mon ancêtre. C'est quand je me souviens de moi-même à 7 ans, je discute avec mon ancêtre, qui jette d'ailleurs un œil tout à fait réservé sur ce que j'ai fait de lui. Mais c'est j'ai ce rapport-là, c'est-à-dire c'est un rapport d'antiquité. C'est un Wordsworth, le poète anglais, disait que l'enfant était le père de l'homme. Je ne crois pas, enfin on ne croit pas si bien dire. Je ne vois aucune. En somme, c'est la logique même en fait. C'est le bon sens même. Camus. Puisqu'on parlait de Camus au début. Vous savez, dans le premier homme, Camus, à un moment, se retrouve, enfin Jacques Cormery se retrouve devant la tombe de son père, au cimetière de Saint-Brieuc. Il est devant la tombe de son père, et son père qu'il n'a jamais connu, et il constate que son père est mort à 29 ans, et que lui-même à 40 ans. Et il comprend à ce moment-là que le temps est sorti de ses gonds, mais surtout il comprend ce que c'est que le premier homme. Le premier homme, c'est pas le premier, puisque rien n'est premier, d'ailleurs le texte d'Arras le dit suffisamment, rien ne commence, jamais. Il n'y a pas de premier homme, non, le premier homme, c'est soi-même à l'instant où l'on consent à hériter d'un cadet. Et au fond, c'est là qu'il y a dans ce geste-là, dans cette assomption, dans le fait d'assumer le passé et l'absurdité du passé, et le fait que dans le passé, des hommes sont morts au champ de bataille à 29 ans, assumer tout cela, c'est aussi être le garant de l'avenir. C'est ça le premier homme. Mais juste un mot sur ce que vous avez lu. Ça me rappelle une parabole qu'on trouve chez Schopenhauer. Ça me rappelle une parabole qu'on trouve chez Schopenhauer, qui est la parabole de la feuille. il voit une feuille tomber et la feuille pleure de tomber. Il lui dit, mais feuille, pourquoi tu pleures? T'es con. Enfin, il dit pas comme ça, mais elle lui dit, bah, je pleure parce que je vais mourir, ou je meurs, je vais mourir. Et il lui dit, mais enfin, feuille, tu meurs, tu fertilises l'humus, de l'humus, l'humus nourrit les racines nourrissent la sève, le tronc, etc., etc., et d'autres feuilles apparaissent grâce à ta mort. Ta tristesse n'est qu'une myopie. C'est parce que tu vois, tu te prends toi-même pour un but que tu es triste. Mais si tu étais capable de t'élever jusqu'à l'échelle de l'espèce, alors tu verrais qu'il n'y a qu'un retour éternel là où tu vois une fin définitive. Ça s'appelle la palingénèse. C'est pas mal. Magnifique. Ça clôt presque l'affaire, mais avant, je voulais parler de ce livre de Roland Barthes que vous avez sûrement lu, La chambre claire sur la photographie. Mm-hmm. Et il dit, la photographie montre le réel à l'état passé, à la fois le passé et le réel. Ouais. Et donc, le passé est quelque chose de réel qui est là quelque part. Et il montre notamment à la fin de l'ouvrage la photographie d'un condamné à mort. Et la légende qu'il pose au bas de la photographie, c'est il est mort, puisqu'au moment où je regarde la photo, il a déjà été exécuté, et il va mourir, puisque la photo le montre encore vivant, en attente de l'exécution. C'est ça. Et donc, c'est quoi ce rapport ambivalent ? Et cette intuition lui vient de Proust. Incontestablement, puisque dans la recherche, dans Sodome et Gomorre, le narrateur se retrouve devant la photo de sa grand-mère qui est morte, et il dit, il réfléchit, il médite sur cette photo, et il se dit à un moment, c'est moins une photo de ma grand-mère que de la maladie de ma grand-mère. C'est-à-dire, non pas simplement la photo de quelqu'un de mort, mais la photo de quelqu'un de malade, de quelqu'un qui s'apprête à mourir, etc. L'idée de Barthes est géniale parce qu'il présentifie du passé. Mais on pourrait, à l'inverse, dire que, en somme, ce que nous appelons passé, commodément, parce qu'on se vit, nous, comme un point de rupture entre le présent et le passé, on se vit comme une charnière, ce que nous appelons passé n'est en réalité qu'une série d'instants éternels en eux-mêmes qui ont valu de toute éternité. Ça ne veut pas dire qu'ils ont duré éternellement, bien sûr que non. Tout est fugace. Mais enfin, ce qui existe de toute éternité, c'est le fait que ça a eu lieu. Et ceci justifie que l'on traite ou que l'on porte sur des événements passés, non pas le regard rétrospectif d'un présent arrogant qui jugerait le passé ou qui l'évaluerait ou qui le regarderait avec condescendance, mais le regard qu'on pouvait avoir ou qu'on aurait pu avoir, le regard fossile qu'on aurait pu avoir à l'instant de l'image qu'on nous montre. Mais je vais changer complètement de sujet, quoique, vous avez dit tout à l'heure, le passé c'est la mémoire. Oui. Alors aujourd'hui, si on déboulonne une statue, est-ce qu'on change la mémoire du passé ou est-ce qu'on change aussi le passé ? Ce qu'on fait là, alors voilà, ce qu'il y avait, à mon avis, de orwellien dans le geste de déboulonner des statues, même si c'était parfois mû par d'excellentes intentions, ce qu'il y avait d'orwellien là-dedans, c'était que c'était la reprise la plus éloquente de ce que Orwell appelle la mutabilité du passé, dans 1984. Pour le dire très rapidement, dans 1984, vous savez, il y a le ministère de la vérité. Le ministère de la vérité, c'est le truc qu'on brandit quand on n'a pas lu 1984 et qu'il y a une loi gouvernementale sur les fake news. On dit, ah, c'est Orwell, ils veulent contrôler l'info. Dans Oceania, dans 1984, on s'en fout de contrôler l'info. L'info, il n'y en a pas. Donc l'enjeu, c'est pas de contrôler l'info, c'est de contrôler la mémoire. Parce que si on contrôle la mémoire, on façonne les gens, on fait ce qu'on veut avec eux. On contrôle la mémoire et on contrôle le langage. Et pour contrôler la mémoire, on instaure la mutabilité du passé. La mutabilité du passé, c'est le fait que, et c'est là que Winston Smith travaille, c'est le fait que, du jour au lendemain, Eurasia peut passer du statut d'allié historique au statut d'ennemi héréditaire d'Océania au gré des besoins gouvernementaux. C'est-à-dire qu'on a suspendu le passé aux besoins du présent. Si on a besoin de faire la guerre au truc d'en face, on va dire qu'il est notre ennemi de toute éternité. Et ce geste-là est un geste exemplaire pour comprendre ce qu'on appelle le présentisme aujourd'hui, c'est-à-dire cette capacité phénoménale à juger les siècles qui nous précèdent à l'aune des valeurs qui sont les nôtres. À dire, par exemple, Platon, misogyne, ou des choses comme ça, qui n'ont pas de sens, si vous voulez, précisément parce que on ne fait pas leur chance à l'historicisme, on ne fait pas leur chance à la singularité d'un moment, on le juge à l'aune des catégories qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors, le résultat de ça, pardon, je vais prendre un exemple qui fâche, tiens. Le résultat de ça, c'est que Polanski, par exemple, peut, à quelques années d'intervalle, sans avoir commis, à ma connaissance, de nouveaux viols, passer du statut de président respecté du Festival de Cannes, du jury du Festival de Cannes, au statut de paria du cinéma, dont la moindre récompense serait une infamie. Je ne dis pas qu'on a tort de dire ça. Je dis juste que la mutabilité du passé se passe des mutations du passé. Rien n'a changé, Mais c'est notre regard qui lui a changé sur. Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours, comme le dit Bergson, un mouvement rétrograde du vrai? C'est-à-dire que on peut pas échapper au fait que les époques sont incommensurables les unes aux autres, et c'est très difficile de pouvoir se remettre dans l'état d'esprit d'une époque passée sans avoir en soi déjà les interprétations du présent. Ouais, ce qui est hyper difficile, c'est de penser les choses autrement que comme organisées pour conduire au moment que nous vivons maintenant. Est-ce que c'est pas du vrai? Dans les mots, Sartre dit, il se moque de lui-même évidemment, et il dit le passé. Ce long chemin ardu qui conduit jusqu'à moi. Et c'est pas idiot. Alors, c'est fou de vanité, bien sûr, mais il a raison d'être ironique en le disant, parce que ça va aussi avec l'idée que tout ce qu'on a vécu dans la vie, eh bien, on le recycle en permanence à l'instant même où l'on agit. Et qu'en somme, le passé est toujours vivant sous la forme des motivations, des stimulations, des souvenirs, des dispositions du caractère qu'on mobilise à l'instant donné pour répondre à une situation que le passé n'avait pas prévue. Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours, finalement, là, une sorte de loi générale qui fait que même les problèmes de traduction sont insolubles? Si, par exemple, je lis sous la plume de Démocrite, 5e siècle avant Jésus-Christ, un texte dans lequel un mot est traduit par le mot vide. Est-ce que je ne vais pas rétroprojeter dans ce mot ce qu'aujourd'hui on appelle le vide et croire que Démocrite pense comme nous? Si, absolument. C'est de l'importance essentielle des philologues, de l'importance essentielle des historiens, et du danger qu'il y aurait aussi d'ailleurs à séparer les époques et à considérer qu'il n'y a pas de tradition en philosophie et que les philosophes ne se répondent pas ou que Démocrite n'a pas parlé du vide. Mais il est essentiel pour ça de travailler les langages, de travailler les langues, de restituer les époques aussi pour faire la part d'un mot dont la définition était singulièrement différente de celle qu'on lui donne aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que l'érudition du philologue est au service d'une restitution plus fidèle du passé. C'est-à-dire que c'est vraiment du bon usage de l'érudition. Nietzsche était philologue. Nietzsche se méfiait de la connaissance. Il disait toute entreprise de connaissance est une tentative de méconnaissance de l'autre. Par la connaissance, on essaie de nier l'altérité du monde. C'est la peur qui nous dicte l'instinct de connaissance. Donc il se méfiait de la connaissance. Mais dans le même temps, c'était l'homme le plus érudit de son temps et il avait saisi, enfin, l'un des hommes les plus érudits de son temps, un excellent philologue, et qui avait compris l'importance qu'il y a aussi à savoir dans quel contexte les choses sont apparues. Léon? Oui. Presque déjà la bouche ouverte. Plusieurs choses. J'ai des choses sur la mémoire, mais j'avais, par rapport au rapport entre présent et passé, j'ai une petite citation de Jacques Prévert qui disait « En France, à cause des événements de mai 68, le téléphone ne fonctionnait déjà plus pendant les années précédentes. » Ouais. Voilà, faut aussi retourner. C'est merveilleux. Ça, c'est le mouvement rétrograde du faux. Voilà. C'est génial. Hein. C'est extraordinaire. Ah bah, moi, j'en ai une de des proches. Mozart était tellement précoce qu'à 8 ans et demi, il avait déjà composé le boléro de Ravel. Oui, c'est dans la vie de Mozart, c'est là qu'il dit, vous savez, au début, Mozart s'appelait comme tout le monde, Jean-Éderne Mozart. Et puis, il avait l'habitude de rentrer chez lui, il mettait des saletés sur le canapé, et sa mère lui dit, fous le camp ou mets des housses. C'est des proches. Et je voudrais vous faire réagir avant que... C'est du des proches qu'on peut citer, d'ailleurs, parce que tout des proches n'est plus citable aujourd'hui, donc c'est bien. Avant que Léon lise un autre texte, je voulais vous faire réagir à Raphaël Antoven à cette phrase pour savoir ce qu'elle vous inspire. Les interprètes du passé font les aspérités du présent. Qui a dit ça? Je vous pose la question, pour savoir ce que ça vous inspire. Après, je vous dirai ce que c'est. Les interprètes du passé? Les interprètes du passé font les aspérités du présent. Oui, on peut le comprendre de plein de manières. C'est-à-dire, il y a ceux qui font du passé une norme absolue et qui donc, à cet égard, récusent toute nouveauté, toute singularité dans le présent et donc se heurtent à lui. C'est un peu à la façon de l'homme démodé, si vous voulez. L'homme démodé, c'est celui qui a décidé une fois pour toutes qu'il écrirait ses lettres à la main et qu'il aurait un téléphone à cadran et il vit au 21e siècle. Et ben, en fait, celui-là, c'est un visionnaire. Parce qu'il se donne les moyens de voyager dans le temps. Comme lui a pas bougé, si vous voulez, c'est le temps qui voyage jusqu'à lui. Et de ce point de vue, c'est un homme de passé qui révèle les aspérités du présent. C'est à lui que ça me fait penser. C'est brillant, mais en fait, c'est juste une anagramme. Ah. Les interprètes du passé, a pour anagramme, les aspérités du présent, encore trouvées par Olivier Garcia. C'est l'époque d'Olivier Garcia. Je vous préviens, il y en aura d'autres. Oui, je sais, je n'en doutais pas. Léon, à vous. Vous savez quand même que dans mon livre, il y a une anagramme que je vous ai volée et j'ai pas mis les guillemets. Tout commença dans l'eau. Le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau, absolument. J'ai un chapitre où je raconte que je lis Le monde du silence. C'est le premier livre que je lis. Donc je commence le chapitre par Tout commença dans l'eau. J'ai pas mis les guillemets. Ça aura des suites. Alors ici, un texte qui s'appelle La mémoire d'un poète qui s'appelle Alain Bosquet, qui est mort il y a une grosse vingtaine d'années, qui était journaliste, essayiste, romancier, qui a beaucoup écrit. Et donc ici, ce texte, La mémoire. Il faudra, comme une fourmi qui grimpe, il faudra, comme un océan brisé contre la terre, contre le vent. Il faudra, comme une montagne ouverte sur les dieux, fermée sur les démons. Il faudra, comme un verbe, au cœur de cette écume, au bout de cet oiseau, si lourd, si lourd. Il faudra, comme ce pollen ou cette voile voyageuse ou cette branche aux mille cicatrices, il faudra, comme une aube qui se réveille, qui se rendort douce et féline, il faudra, comme un soleil de rechange pour les vieux jours et pour les nuits trop maladroites, il faudra, comme cet instinct jusqu'au fond de la pierre, il faudra, comme une nécessité au bord de l'œil, au bord de l'horizon, il faudra, comme une chaleur sans poids, sans vertèbres et sans peau, il faudra, pour mieux vivre, inventer la mémoire. Merci Léon. Inventer la mémoire. Bah, est-ce que c'est pas ce qu'on fait toujours finalement? Oui. Enfin, disons qu'on est on est façonné par elle. C'est-à-dire que nos décisions, nos représentations, nos imaginations sont informées par nos souvenirs. Donc nous sommes forgés par elle, et c'est en vertu de la mémoire qu'on est fondé à dire qu'on a une identité, puisque le seul point commun aux souvenirs dont on dispose, c'est ce qu'on a voulu appeler le moi. Donc on peut dire ça. Moi, ce qui me fascine dans le texte là que vous avez lu, c'est que c'est un texte écrit au futur. C'est quand même incroyable. C'est un texte sur la mémoire qui dit, c'est une anaphore d'il faudra qui concerne la mémoire. Donc c'est là qu'il y a un effet à l'oreille qui est extraordinaire, puisque en disant ce qu'on devra faire du passé, le poète donne le sentiment que le passé dont il parle, c'est le temps du lecteur lui-même. Voilà. Mais est-ce que ça vaut pas pour les historiens, en fait? Pour les historiens, le passé est imprévisible, au sens où on n'est jamais à l'abri d'une découverte, une archive, un témoignage, une trace qui modifie complètement la façon de comprendre le passé. Est-ce que ça les modifie complètement? Je ne sais pas. Ce qui est vrai, c'est que le travail en histoire, c'est l'un des effets du présentisme que nous vivons. On a parlé des statues qu'on déboulonnait tout à l'heure et du sentiment, comment dire, de la voracité d'un présent qui deviendrait normatif, qui, n'ayant pas lui-même d'avenir, puisque c'est quand même le paradoxe de l'époque où nous vivons, hein, c'est une époque sans horizon, sans au-delà. Donc un présent sans avenir se prend pour une norme et légifère sur le passé, légifère sur le monde et lui impose ses critères. Pardon, j'ai oublié votre question. C'était bien. Il n'y en avait pas, mais si je veux vous faire réagir à une autre phrase. Ouais. Le passé est un requiem étrange et sa musique enrage le présent. Mais c'est vraiment un exercice difficile que vous me demandez là. C'est une anagramme. Ah oui. Non, elle est incroyable. Oui, elle a été trouvée par Olivier Garcia, que je remercie. C'est un chef-d'œuvre. Le passé est un requiem étrange. C'est les mêmes lettres que « et sa musique enrage le présent ». Incroyable. Incroyable, il n'y a rien à dire. Incroyable. Il n'y a rien à dire. Et alors, ça m'arrange d'ailleurs. Notre passé, ça va pas vous plaire. L'anagramme de notre passé, c'est s'emporter. S'emporter. S'emporter. Ah oui, c'est parfait. Ce qui n'est pas tout à fait l'illustration de ce que vous faites là. J'espère. Alors, comme la question du jour, c'est quand même, est-ce que le passé est accessible ou pas, est-ce que vous sauriez dire où vous placez le curseur, à propos de cette question, entre Fitzgerald et Proust? Je veux dire par là que, pour Fitzgerald, le passé n'est nulle part, chaque instant à peine vécu disparaît dans un gouffre, les bonheurs enfouis sont perdus à jamais, et c'est ça qu'il appelle une fêlure inguérissable. Je le cite, « On dit des cicatrices qu'elles se referment, en les comparant plus ou moins au comportement de la peau. Il ne se passe rien de tel dans la vie affective d'un être humain, les blessures sont toujours ouvertes. Oui. » Alors que pour Proust, au contraire, les événements passés peuvent être relus, réinterprétés. Alors, ils peuvent après être... cours, en les débarrassant de la gangue contextuelle qui les a enrobés au moment où ils étaient vécus dans le passé. Ah, je dirais pas ça tout à fait. Ce qui est, Fitzgerald est un artiste des douleurs originales, c'est-à-dire que de l'originalité d'une douleur qu'il faut respecter à tout prix. Il est l'artiste des plaies qui ne se referment pas. Il écrit comme il est. C'est une plaie béante qui écrit avec son sang. Et le Proust, de ce point de vue, est différent parce que la façon qu'il a de traiter le passé n'est pas de... Comment dire ? Proust est quand même le seul grand auteur d'un livre, d'un chef-d'œuvre qui finit bien. Et qui pourtant n'épargne aucune des douleurs de l'existence, aucun des deuils, aucune des tragédies de la vie. Mais il s'arrange pour que ça finisse bien. Alors, le paradoxe, c'est que ça finit bien non pas parce qu'il viendrait ramasser tout le passé, lui donner un sens et finalement digérer tout ça en comprenant que les choses sont à leur place, mais parce qu'il découvre que même les choses les plus douloureuses du passé peuvent faire de sa part l'objet d'une résurrection dans les anneaux d'un beau style. Et ça, pour lui... C'est évidemment non pas la résolution du problème, mais c'est l'occasion de saisir chacun des problèmes de la vie comme autant d'énigmes de bonheur possibles. Donc, il y a, de ce point de vue chez Proust, à mon avis, Proust est un écrivain qui vous guérit, qui vous soigne de la douleur, en vous montrant qu'elle est plus intéressante que douloureuse, alors que Fitzgerald est quelqu'un qui vous apprend à éprouver votre douleur, ce qui est essentiel aussi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous apprend à éprouver pleinement la douleur qui est la vôtre. C'est de ces deux façons-là qu'on se retrouve en les lisant. Cela dit, je dois à l'honnêteté de dire que j'ai beaucoup plus lu le second. Léon Bonafé, vous avez sûrement un texte. J'ai toujours. Et j'ai aussi encore une petite citation d'un auteur qui s'appelle Louis Kutner, qui avait écrit « J'espère vivre assez vieux pour voir ce que je deviendrai ». Ouais. C'est lui qui avait dit « Je vous parle d'un monde extraordinaire, incroyable, inatteignable, le nôtre ». Oui. Et là, un poème de la poétesse Wisława Szymborska, dont le nom s'écrit à peu près comme il se prononce, c'est-à-dire très difficilement, et grande poétesse polonaise qui nous a quittés en 2012, si je ne me trompe pas, et qui a eu notamment le prix Nobel de littérature pour son œuvre poétique. Et ici, un poème qui s'appelle « Le 16 mai ». 1973. Une de ces dates si nombreuses qui ne me disent plus rien. Où suis-je allé ce jour-là? Qu'ai-je fait? Je ne sais pas. Si un crime avait eu lieu tout près, je n'aurais pas d'alibi. Le soleil éclata, le soleil s'éteignit et je n'ai rien remarqué. La terre fit un tour complet sans trace dans mon bloc-notes. Il me serait moins pénible de penser que pour un jour j'étais morte que d'avoir tout oublié de cette vie sans relâche. Je n'étais pourtant pas un fantôme. Je respirais, je mangeais. Je marchais un pas après l'autre, des pas certainement audibles. Et j'ai sans doute marqué des poignées de mes empreintes digitales. Des miroirs m'auront réfléchi. J'avais mis quelque chose d'une couleur quelconque. Quelqu'un m'aura vu. Tout de même, qui sait, ce jour-là, peut-être, j'aurais retrouvé quelque chose de perdu, ou perdu quelque chose que j'allais retrouver. J'étais pleine d'émotions, d'impressions, et soudain, il n'en reste que 3 points, entre parenthèses. Où me suis-je embusqué? Où ai-je pu m'éclipser? Et c'est pas mal comme tour de passe-passe de se perdre de vue soi-même. Je secoue ma mémoire. Peut-être quelque chose qui depuis des années sommeille dans ses broches, dans ses branches, s'envolera dans un bruit d'ailes. Non. Sans doute est-ce trop demandé qu'on me rende une seule seconde. Merci Léon Bonafé. Ça c'est archi proustien hein, pour le coup. Hein. Comment éviter que les choses insignifiantes de la vie ne tombent dans la longue série des jours oubliés, comment on fait pour ça. C'est de l'intérêt qu'il accorde aux choses anodines, hein, aux choses innocentes, c'est-à-dire aux choses qu'on peut faire tous les jours, manger une madeleine, faire teinter sa cuillère contre le verre d'une orangeade, il y a des gens qui font ça tous les jours, s'essuyer les commissures de la bouche avec une serviette, des choses comme ça. S'il est attentif à ce genre de gestes, c'est que ce sont des gestes quotidiens et que avec les deux jambes de son compas, c'est-à-dire en les reliant à une émotion du présent, il les éternise. Donc c'est la réponse à l'anxiété de la poétesse. C'est la façon qu'il a d'y répondre, c'est-à-dire qu'il met au point une méthode qui consiste à éviter que ce qui a eu lieu ne disparaisse corps et bien dans la longue série des jours oubliés, parce qu'il y avait là-dedans de quoi quelques diamants enfouis. Est-ce que vous vous souvenez, l'un et l'autre, Léon et Raphaël, de ce que vous faisiez quand vous avez appris l'incendie de Notre-Dame, par exemple? Où vous étiez? Comment l'information vous est parvenue? Oui. Oui. Donc ça a été un événement marquant qui a suscité une émotion incroyable. Est-ce que vous comprenez cette émotion? Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce bâtiment particulier? De quoi provoquer Notre-Dame. Notre-Dame, oui. De mon point de vue, c'était la juxtaposition de préoccupations éternelles et de réalités tout à fait concrètes d'un échafaudage qui flambe. C'était pas le buisson ardent, si vous voulez. C'est-à-dire que c'était le décalage entre la nature des préoccupations et la réalité d'un souci qui m'a semblé une chose, pour le coup, vraiment réellement, si ce mot avait un sens en France, ce qu'heureusement il n'a pas, de l'ordre du blasphème. Oui, il y avait quelque chose de l'ordre du blasphème et quelque chose d'une extrême violence de ce point de vue. Avec le passé, justement. Non, c'est pas le passé, Notre-Dame. C'est pas le passé. Alors, dans Notre-Dame de Paris, Frollo, il y a ce fameux chapitre où il dit « Ceci tuera cela ». Et il parle d'un livre. Il dit, voilà, le livre tuera la pierre. Parce que la pierre concentre les citations, les mots, les phrases de la Bible, etc. Et ces mots sont immuables. Et désormais, le livre... Enfin, c'est l'intuition que le papier est en réalité, parce qu'il est plus souple, beaucoup plus résistant que la pierre. Et que donc, un passé, ou une certaine façon de gérer le passé, est en train de prendre le dessus sur une autre. Mais ce qui a tellement choqué les gens avec Notre-Dame... on est au-delà du passé, on est dans l'éternité, et c'est cette façon que le feu a eu de d'écraser l'éternité ou de lui mettre un pain, si vous voulez. Non, mais je vous ai posé la question, il y a encore une anagramme cachée. Non, pas du tout. Non, c'est fini pour les anagrammes. Vous pouvez vous relâcher. C'est bon, c'est fait. Hein. Non, c'est que du côté de chez soi, il y a ce texte qui m'a fait vous poser cette question. Voilà ce qu'il dit à propos d'une église. Tout cela faisait pour moi, donc de l'église, quelque chose d'entièrement différent du reste de la ville. Un édifice occupant, si l'on peut dire, un espace à quatre dimensions, la quatrième étant celle du temps, déployant au travers des siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre et franchir, non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d'où il sortait victorieux. C'est presque une phrase einsteinienne. Oui. C'est-à-dire l'idée que l'église ou Notre-Dame, dans l'espace-temps, c'est pas un volume dans l'espace, c'est un hypervolume dans l'espace-temps, et qu'en fait, en regardant la façade de Notre-Dame, on voit cet hypervolume qui nous connecte au bâtisseur, qui était là. Avez raison, c'est la raison pour laquelle, quand il voit les guermantes, il les voit comme des vitraux. Il voit pas Charlus, il voit Palamède 15 sculpté pour l'éternité dans un vitrail. En effet. Mais encore une fois, ce qu'il fait là aussi, même avec l'objet éternel d'une église, c'est qu'il l'éternise derechef. Vous savez, il y a plusieurs églises dans La Recherche du Temps Perdu. Il y a celle de Combray qui, à mon avis, est celle, dont vous parlez. Mmh. Et il y a aussi la fameuse église de Balbec dont Swann lui parle comme d'un monument gothique fouetté par le vent, et donc le narrateur rêve de tout ça. Puis il arrive devant et il voit, dit-il, une petite vieille dont il peut compter les rides et mesurer la hauteur. Et en fait, il découvre avec l'Église et la déception que lui inspire l'Église qu'il a sous les yeux, il découvre que l'inconvénient de la réalité, c'est de n'être qu'elle-même. Et là où le type est vraiment un profanateur, c'est qu'il se sert d'une Église pour apprendre la réalité. Alors, et la pauvreté de la réalité. Je reviens, Raphaël Antonvette, sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la mémoire qui m'intrigue. Oui. Le passé, c'est la mémoire. Oui. Il y a une façon de lire la théorie de la relativité d'Einstein. La question est posée de savoir si Proust en a eu connaissance ou pas, je ne sais pas y répondre, mais on peut considérer que l'espace-temps, en fait, c'est une arène qui est présente de toute éternité, et qu'en fait, les événements du passé, ou du futur, ou du présent, sont un peu disposés dans l'espace-temps, comme les villes, par exemple, dans l'espace. Nous sommes à Paris, et pendant que nous sommes à Paris, Strasbourg est une ville qui existe, Brest, Marseille, Lille, j'essaie de pas faire de jaloux, existe tout autant. Et la différence entre Paris et ces autres villes, c'est pas une différence ontologique, c'est que nous sommes présents à Paris et pas dans les autres villes. Donc c'est notre présence qui distingue pour nous Paris des autres villes. Et l'idée qui permet d'interpréter la relativité qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc, c'est de dire en fait tous les événements du passé sont dans l'espace-temps où nous ne sommes plus, tous les événements du futur sont dans l'espace-temps, ils sont déjà là en quelque sorte, à des endroits où nous ne sommes pas encore, et ce qu'on appelle le présent est déterminé par notre présence. Et dans ce scénario-là... Vous avez raison de dire scénario, parce que c'est la fin d'Interstellar. C'est exactement la fin d'Interstellar. C'est la fin du film. Oui, bien sûr. Ah non, je croyais que c'était la fin... Non, pas la fin. Non, d'accord. En soi, des voyages interstellaires, ils n'ont pas commencé, mais non, c'est la fin du film. Absolument. Il traverse l'univers, il traverse un trou noir pour se retrouver dans la chambre de sa fille à 10 ans. Alors c'est aussi le contraire de Tenet. Mm-hmm. Parce que dans Tenet, c'est des gens du futur qui rétroagissent par leurs actions dans le présent pour empêcher que le malheur qu'ils connaissent soit causalement relié, lié par nos actions. Mais ça veut dire que dans cette interprétation hein, qui fait pas l'unanimité parce que la physique quantique vient la contester, le passé il est aussi réel que le présent, le futur est aussi réel que le présent, simplement nous n'y avons pas accès ou pas encore. Alors, j'ai aucun moyen de vous dire, contrairement à vous, la pertinence ou non physique d'une telle lecture des choses. En revanche, je vois pas de meilleure définition de la littérature, voilà, que ça. Je ne vois pas de meilleure définition de la littérature. Le simple fait qu'un lecteur qui, lisant les frères Karamazov ou La recherche du temps perdu, vit pour la première fois l'assassinat du père ou, je ne sais pas moi, la dégustation d'une madeleine trempée dans du thé, le simple fait qu'il le vive pour la première fois, cet instant-là, est très exactement, je crois en tout cas, de l'ordre d'une résurrection. L'anamnèse, la réminiscence proustienne est exactement une résurrection. Et pourquoi est-ce une résurrection ? Du point de vue que vous donnez, on pourrait imaginer que c'est la résurrection de quelque chose qui est là, de toute éternité, et que le romancier armé, nanti d'une mémoire d'archiviste et d'un trépan efficace, est capable, tout simplement, de saisir. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une sorte de dissymétrie radicale entre le passé et le futur ? Oui. Oui. Mais est-ce qu'elle est absolue ? Oui, mais je serais bien en peine de vous dire qui des deux existe le plus. Parce que combien de gestes sont déterminés aussi par notre représentation de l'avenir ? Combien de décisions sont déterminées par ce que nous imaginons de l'avenir ? Prenez par exemple le Brexit. C'est intéressant. Le Brexit a eu des effets. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Le Brexit est voté. Tout de suite, il y a toute une série de conséquences, des tas d'Anglais qui demandent un passeport français, on en connaît, enfin des tas de choses. Bref, il y a des tas de choses, des tas de conséquences, des décisions, des machins, des trucs, etc. Bref, les gens n'ont pas la même vie après le vote favorable au Brexit qu'avant. Clairement, les choses ont changé. Et les choses se sont passées différemment que si le Brexit n'avait pas été validé par les Anglais. Autrement dit, or, le Brexit n'était pas entré dans les textes. Il y avait des tas de gens qui disaient « Regardez, le Brexit, c'est déjà l'enfer ». Bon. Je suis tout à fait brexophobe, mais le fait est que cet argument n'était pas bon. Le comportement des individus était renseigné par l'idée qu'ils se faisaient de l'avenir qui les attendait. Donc oui. Le futur a une efficace au moins aussi puissante que le passé sur nos comportements. Par futur, j'entends l'idée qu'on s'en fait. Mais quelle différence entre le passé et l'idée qu'on s'en fait également ? Mais ça vaut pour tout le monde. Quand vous avez un examen à passer à la fin de l'année, vous travaillez. Donc la perspective que vous envisagez rétroagit non pas directement du futur dans le présent, mais par l'idée que vous en avez sur vos activités quotidiennes. Oui, le seul problème, le seul risque, c'est d'être dépossédé de soi-même, comme on dit. C'est-à-dire, finalement, de perdre sa vie à vouloir la gagner, si vous voulez. D'attendre indéfiniment le moment d'être enfin heureux, d'ajourner indéfiniment le moment du présent. Si vous voulez, le problème avec le présent, c'est que c'est le même problème que le bonheur. Il est impossible d'être heureux sans qu'une petite voix nous dise « Dépêche-toi, mon pote, ma grande, ça va pas durer ». C'est impossible. On peut pas être heureux sans se dire « Pourvu que ça dure ». On peut pas se dire « Oh, comme on est bien de dire que dans 3 jours, on rentre ». Vous voyez ce que je veux dire ? On peut pas éviter ça. On ne peut pas ne pas avoir le bonheur inquiet. Parce que le bonheur devance le moment où il va disparaître. Le bonheur est pourri par la perspective de son achèvement, et un bonheur qui devance le moment où il va disparaître, c'est plus du tout du bonheur. Donc c'est très rare d'être heureux. La dose d'inconscience qu'il faut, de non-conscience, de naissance du moment qu'il faut pour être capable de le vivre pleinement, c'est ce que Clément Rosset dit quand il dit « Sois l'ami du présent qui passe, le futur et le passé te seront donnés par surcroît ». La difficulté d'être heureux vient précisément de la nature compliquée du présent, qui est à la fois infusée par ce qu'on a vécu, mais également dictée et ordonnée par ce qu'on se représente, ce qu'on imagine, et le fait qu'on a toujours tendance à espérer d'être heureux et donc à ne l'être jamais. Donc ça rend pas heureux d'être heureux. Ça rend pas heureux d'être heureux. Ça rend pas heureux d'être heureux. Ce qui rend heureux, c'est d'être heureux. Mais de vouloir rester heureux, si vous voulez, c'est comme l'amour. Vouloir aimer encore, non, vouloir ne plus aimer, c'est encore de l'amour, mais vouloir aimer encore, ça ne l'est déjà plus. C'est une journée dramatique qu'on est en train de vivre, je trouve. Alors justement, vous parlez de littérature. Il y a un écrivain qui s'est beaucoup intéressé à cette question de la dissymétrie entre le passé et le futur, c'est Nabokov, dans un livre qui s'appelle « La transparence des choses ». Et il dit que la différence, la dissymétrie mémorielle entre le passé et le futur, qui semble radicale, en fait, est peut-être due simplement à nos limitations cognitives. Il écrit ceci. Peut-être que si le futur existait concrètement et individuellement sous une forme qu'un bon cerveau pût discerner, le passé offrirait moins de séduction, ses attraits s'équilibreraient avec ceux du futur, des personnes pourraient alors se juger sur le pivot de la bascule pour examiner tel ou tel objet, ce pourrait être drôle. Autrement dit, si on avait la capacité cognitive de connaître le futur dans la perspective de l'univers Bloch, hein, tout le futur est déjà déployé, mais on n'y est pas encore présent, en quoi est-ce que ça changerait notre façon de penser notre passé et puis de vivre au présent? C'est le démon de Laplace, en fait. C'est l'idée que si nous avions toutes les informations ou l'ensemble, sous la main, l'ensemble des causalités de l'instant présent, nous pourrions prédire un temps infini, comme si ce temps était en germe dans la série causale que nous avons sous la main. Une telle conception des choses ou un tel déterminisme est, à mon avis, se fait aux dépens de ce que l'impondérable nous réserve. C'est-à-dire, je veux penser, je veux vivre, je veux croire qu'il existe dans ce monde sublunaire des éléments d'impondérable qui interdisent la prédiction. Si vous voulez, en fait, le problème de ce genre de discours, c'est qu'à mon avis, il nous prive de la seule saveur de l'existence qui est le rebond du ballon de rugby. Et que la vie ressemble au rebond d'un ballon de rugby. C'est-à-dire que nous pouvons pour 50% le prévoir et nous devons pour 50% nous y adapter. Il y a là, dans ce rapport à un futur possible, dans cette interprétation du futur, quelque chose de plus sage que la nostalgie d'une omniscience qui nous permettrait de dire tout ce qui va arriver. Nabokov, oui. Encore lui, il a écrit un autre livre qui s'appelle Le Don. Et dans lequel il dit que... Vous citez tous les livres de Nabokov, sauf celui qu'on n'a plus le droit de lire, hein. Oui, bon, d'accord, mais moi je suis pas aussi courageux que vous. Oui. Donc il parle du passé comme étant un abîme aqueux. Oui. Et l'avenir, il dit que c'est un abîme aérien. C'est-à-dire que le présent nous situe entre deux abîmes. Ah oui, ce serait un présent gazeux peut-être à ce moment-là, ou plasmique, je ne sais pas, j'en sais rien. J'ai du mal à... Oui, on voit très bien comment il peut se le représenter. Je veux juste suggérer qu'on peut... dire exactement l'inverse, c'est-à-dire le proverbe anglais, c'est « Yesterday's history, tomorrow's mystery, today's a gift ». Eh bien, on pourrait parfaitement dire « Yesterday's mystery, tomorrow's history », parce que rien de nouveau sous le soleil, « today's a gift ». Et au fond, la seule chose qui ne change pas, si j'ose dire, c'est ce point perpétuellement mobile qu'on appelle le présent, qui reste un présent. Qui est toujours... Entendez-le comme vous voulez, quoi. Eh bien, ça sera le mot de la fin, Raphaël. On va profiter du présent grâce à vous. D'abord, je remercie le public d'être venu, malgré des conditions un peu difficiles. C'était la conversation scientifique avec la collaboration de Thierry Beauchamp. À la technique, j'ai beaucoup de personnes à remercier. Pour France Culture, Benjamin Perru, Stéphane Touvenin, Mathieu Leroux, Pierre Bornard, Franck Malabry, Francesca Fossati, Ibrahim Seliem. Et pour le Théâtre de la Ville, Wojtek Noiret. Et le tout est réalisé par Delphine Lemaire. Merci à tous.